Relation, son graphie. La finale des mots. Page 23. Activité 1. Lisez les mots suivants et écoutez l'enregistrement en même temps.